déménagé, vous venez à propos. Je l'avais oublié, où avais-je la tête? Ma femme, vous non plus, vous n'êtes pas de trop. Sacrebleu, quelle poigne! De sa vigueur, chacun témoigne. Vous n'aurez pas encore d'horloge, cher ami. Régulier comme un chronomètre, monsieur passe avec ses mulets chaque matin sous ma fenêtre. Chaque matin, donc, s'il vous plaît, vous lui